إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans l'explication de notre livre Al-Fitna wa Mawqiful Muslimi Minha. Et on est arrivé maintenant dans une autre partie du livre. Hein, on a terminé donc la semaine d'avant, en tout cas au dernier cours, on a complété la première partie le premier point dans la deuxième partie du livre. Et c'était la position légale ou la position que le musulman doit adopter selon la charia avec les preuves du Coran et de la Sunna. On a mentionné 5 points dans cette première partie là et maintenant on est arrivé au deuxième point dans la deuxième partie de ce livre. C'est maintenant des exemples, des positions des sahabas et des salafs vis-à-vis de certaines parmi les fitanes qui sont arrivées à leur époque. Et donc, on va donner quelques exemples de ça, Inch'Allah. Donc, pour commencer, le Cheikh il dit « Al-mabhath al-thani namuzaj min mawaqif al-sahaba wa-salaf fil-fitan » Donc, des exemples de différentes positions des sahaba et des salafs au sujet des différentes fitanes. Il dit, le Cheikh, Inna mawaqif al-sahaba. Donc, on est au cours 15 aujourd'hui. Donc, c'est juste pour rappeler. Le Cheikh, il dit, Inna mawaqif al-sahaba, radiallahu anhum, min al-fitan, wa ghayriha, hiya turjuman al-amali lil-nusus al-shar'iyyah al-sabiqah. ولذا لزمنا أن نذكر بعض مواقفهم من الفتن التي لا يخلو منها زمان حتى نستهدي بهديهم ونستن بسنتهم كما أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Donc la position des sahaba et des salaf de cette umma vis-à-vis des différentes fitan est une expression ou une traduction dans les actes et dans une application pratique des textes, hein, une traduction dans les gestes, dans les actions des textes de la charia qu'on a mentionné dans les points précédents. Donc c'est comme l'application pratique, comment appliquer les textes de la religion vis-à-vis des différentes fitanes. On a des exemples de ça dans qu'est-ce que les sahaba et qu'est-ce que les salafs ont fait dans leur vie vis-à-vis des différentes fitanes qu'ils ont dû affronter à leurs époques respectives. Donc le Cheikh il dit donc, étant donné que on a parlé des textes maintenant et on a donné des références dans le Coran et dans la Sunna au sujet de ces exemples-là, maintenant il faut qu'on mentionne maintenant quelques exemples au sujet des différentes positions des salafs vis-à-vis des fitanes qu'ils ont dû affronter. Parce que on sait qu'à chaque époque, il y a des fitanes qui arrivent. Et la raison pour laquelle on mentionne ces exemples-là, c'est pour qu'on puisse se servir de leur exemple justement pour yani, en prendre des leçons et pour être guidés par leur guidance et pour suivre l'exemple de leur sunna comme Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam nous ont ordonné de le faire. Et le cheikh il mentionne des preuves à ce sujet là il dit قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Ça c'est le verset 5 dans sourate Tawbah que le cheikh il mentionne, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné donc dans le Coran que les tout premiers parmi ceux qui ont précédé dans l'islam, parmi les muhajirines et les ansars, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait d'eux, et eux sont satisfaits de lui. Et Allah a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et voilà l'énorme succès. Donc le Cheikh il dit, فَأَخْبَرَ اللَّهُ عَنْ رِضَاهُ عَنْهُمْ وَرِضَاهُ عَنْ أَتْبَاعِهِمْ ومر معنا قريبا حديث العرباد بن سارية رضي الله عنه وفيه الأمر بالاستنان بسنة الخلفاء الراشدين المهديين ولا سيما وقت الفتن والتفرق لأن في ذلك السلامة في الدنيا وفي الدين والدنيا وسوف أذكر في هذا المبحث بعض المواقف على سبيل الاختصار لنقتدي ونتأسي بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. Donc le cheikh il explique ou il commente le verset qu'on vient de citer, le verset 5 de sourate At-Tawbah, et il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne qu'il est satisfait d'eux, c'est-à-dire qu'il est satisfait des sahaba hein radiyallahu anhum, et qu'il est satisfait également de ceux qui les suivent hein, wa ridahu an atba'ihim, donc il est satisfait des sahaba, des muhajirin et des ansar, et il est satisfait de ceux qui les suivent. Et on a déjà mentionné précédemment, il n'y a pas trop longtemps, dans les cours précédents, dans plusieurs d'entre les cours qu'on a mentionné, qu'on a fait précédemment, on a mentionné le hadith qui est le hadith d'Al-Irbad ibn Sariya, qui est le hadith très célèbre au sujet du fait que il faut s'accrocher à la sunna et à la sunna des khulafa al-rashidin, c'est-à-dire des successeurs bien guidés après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça c'est un autre exemple qui nous indique qu'on est obligé de suivre l'exemple hein, de nos salafs, et en particulier dans les moments de fitan et dans les situations ou dans les époques ou les moments de division. Et le fait de s'accrocher à leur exemple et à suivre leur sunna, il y a là-dedans une exemption des fitan et du fait qu'on est exempté et sauvé de différentes formes des fitan et des problèmes dans notre religion et dans la dunya. Et le cheikh il dit donc que dans ce point-ci, on va mentionner certaines positions des salafs vis-à-vis des fitan de façon résumée pour qu'on puisse se servir de ces exemples-là comme modèle et les prendre comme exemple pour essayer de suivre pour essayer de les suivre dans ces exemples-là et dans ces positions-là. Que Allah soit satisfait d'eux et qu'il les agrée. Donc ça c'est l'introduction. Ensuite le cheikh il dit al-mawqif al-awwal mawqif as-sahaba radiyallahu anhum fi ghazwati Badr. Donc le cheikh il commence par la première exemple, la première situation c'est la position des sahaba vis-à-vis de ou bien au moment de la bataille de Badr. Quelle a été leur façon de réagir vis-à-vis cette épreuve qui s'est produite à leur époque. Le cheikh il dit أول موقف نذكره من هذه المواقف العظيمة وهو موقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وذلك الموقف العظيم الذي دل على صدق إيمانهم وقوة تمسكهم بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك حفظ الله عز وجل دينه وثبته بهذا الموقف العظيم وسمى ذلك اليوم يوم الفرقان قال تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمصه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Donc ça c'est le verset 41 dans sourate Al-Anfal. Donc on va lire qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici. La première chose qu'on va mentionner, c'est la position des Sahaba dans cet grand événement qui s'est produit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la bataille de Badr, le jour de Badr. Badr, on sait que c'est un endroit. Le mot Al-Badr, c'est en fait c'est la pleine lune. C'est la pleine lune et c'est un endroit aussi, le nom d'un endroit aussi qu'on appelle Badr. C'est un endroit, l'endroit, si je ne me trompe pas, c'est là où il y avait un puits. Et les gens s'arrêtaient là-bas durant leur voyage, c'était entre la Mecque et Médine. Et les gens, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait décidé donc d'attendre la caravane d'Abu Sufyan à cet endroit-là pour reprendre les biens que les mouchriquins avaient volé des musulmans qui étaient à la Mecque. Donc ils avaient pris leurs biens pour aller les vendre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc avait décidé d'attendre cette caravane d'Abu Sufyan pour reprendre ce qui avait été pris aux musulmans. Le cheikh dit donc, on va mentionner donc cet événement. C'est que donc, comme on a dit à l'origine, c'était dans le but de reprendre les biens qui avaient été pris aux musulmans, sauf que qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'en cours de route, Abu Sufyan a été informé du fait que les musulmans lui tendaient une embuscade, et donc qu'est-ce qu'il a fait Abu Sufyan? Il a envoyé un messager vers les gens de la Mecque pour les avertir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui tendait une embuscade avec les sahaba, et donc lorsque les gens de Quraysh à la Mecque ont entendu ont su que les musulmans avaient tendu cette embuscade, ils ont envoyé une armée qui était environ de 1000 hommes pour affronter les musulmans et pour les combattre ce jour-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les sahaba, lorsqu'ils sont partis pour intercepter la caravane d'Abu Sufyan, ils ne sont pas partis avec l'idée de faire une bataille ou un combat. Ils n'étaient pas préparés non plus militairement pour ça, puisqu'ils n'étaient que 300 hommes environ. Donc, cette bataille n'était pas programmée ou c'était pas prévu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas que les mouchriquins allaient venir pour se battre contre lui ce jour-là. Donc, ça a été vraiment une grande épreuve pour les croyants. Ils n'étaient pas bien armés et puis ils n'étaient pas nombreux non plus. Et l'ennemi était plus que deux fois le nombre, même trois fois le nombre des musulmans. Donc, ça vous donne donc une petite idée de. Je mentionne ça juste pour vous donner une petite idée de la réalité de qu'est-ce qui s'est passé dans cette bataille et de ce jour-là. Donc, le cheikh il dit donc que cette position-là du jour, cette situation du jour de Badr, ça a été un événement qui a vraiment indiqué la sincérité de la foi des Sahaba ainsi que la force de leur attachement à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à cause de cette raison là que Allah subhanahu wa ta'ala donc a préservé sa religion et il les a raffermis le jour de cette bataille, et on a appelé ce jour là le jour du discernement. Le jour du discernement en arabe, Yawm al-Furqan. Yawm al-Furqan, le jour du discernement. Le cheikh il mentionne ensuite le verset 41 dans sourate Al-Anfal, verset 41 qui dit sachez que de tout butin que vous avez ramassé, le cinquième, Al-Khumus, appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, aux messagers, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Si vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala et en ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, c'est-à-dire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jour du discernement, donc le jour du Yawm al-Furqan, le jour du discernement, le jour où les deux groupes se sont rencontrés. Le jour où les deux groupes se sont rencontrés. Et Allah subhanahu wa ta'ala est omnipotent. Et juste pour rajouter encore un peu plus d'explications, d'exemples, j'aimerais bien rajouter ou lire le verset qui suit, c'est le verset 42 dans Surat Al-Anfal, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Iz antum bil'udwati dunya wa hum bil'udwati al-quswa wa al-rakbu asfala minkum walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdi Allahu amran كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. Donc il dit, vous étiez sur le versant le plus proche et eux, les ennemis, les mouchrikoun, sur le versant le plus éloigné, tandis que la caravane était plus bas que vous. Hein? Parce que quand Abu Sufyan a entendu parler de la présence des musulmans qui l'attendaient, donc lui il a fait un détour. Hein? Il a fait un détour pour passer plus loin, pour pas que les musulmans l'interceptent. Et ce sont les mouchrikoun qui sont venus rencontrer donc les musulmans à ce moment-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et si vous étiez, si vous vous étiez donné rendez-vous, vous l'auriez manqué, effrayé du nombre de l'ennemi. Mais il fallait qu'Allah accomplisse un ordre qui devait être exécuté pour que, sur preuve, périsse celui qui devait périr et vécu sur preuve celui qui devait vivre. C'est-à-dire pour que celui qui périsse, alors que la preuve a été établie contre lui, et celui qui vit, eh bien, il va vivre alors que la preuve a été établie sur lui. À cause de du discernement qui est établi ce jour-là, entre le kufr et l'iman, entre l'islam et le kufr et le shirk. Donc ça c'est juste le verset 42 que je voulais rajouter comme pour expliquer ou pour ajouter un petit peu plus de clarification. Et le cheikh il dit ensuite, « وقال ابن كثير رحمه الله نبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى خلقه بما فرق به بين الحق والباطل ببدر وسمي الفرقان لأن الله أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطل وأظهر دينه ونصر نبيه وحزبه. Donc le cheikh il dit que l'imam Ibn Kathir رحمه الله il nous dit dans son tafsir à propos de ce verset 41 dans Surat Al-Anfal que Allah subhanahu wa ta'ala il nous indique ou il nous mentionne, il nous fait la mention de sa grâce et de sa bonté envers sa créature et envers sa création par le fait qu'il a distingué, il a séparé entre la vérité et le faux le jour de Badr. Et c'est pour ça qu'il l'a appelé le jour du discernement, Yawm al-Furqan. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce jour il a fait élever la parole de la foi et il l'a mis au-dessus de la parole de mensonge et de fausseté et il a donné précédence et priorité, il a élevé sa religion et il a secouru son prophète et ceux qui sont avec lui, son parti, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son parti, le parti d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite il dit وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان قال فتكلم أبو بكر فعارض عنه ثم تكلم عمر فعارض عنه فقام سعد بن عبادة فقال إيانا تريد يا رسول الله والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد أو برك الغماد لفعلنا. Donc, qu'est-ce qu'il dit, le cheikh? Ici, il mentionne une parole de Anas, radiallahu anhu, qui est rapportée par l'imam Muslim dans son Sahih. Il mentionne, radiallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a consulté, il a consulté certains d'entre les sahaba ce jour-là, le jour de Badr, lorsqu'il a entendu que Abu Sufyan arrivait avec la caravane. Donc, il a parlé avec Abu Bakr, radiallahu anhu, et Abu Bakr a parlé, a dit son point de vue, et il s'est détourné de lui. Et Omar, radiallahu anhu, a parlé, et il s'est détourné de lui. Puis, Sa'd ibn Ubada, qui était un des chefs parmi les Ansar, un des chefs d'une tribu des Ansar, il s'est levé, et il a parlé. Il a dit: c'est nous que tu veux, au messager d'Allah, et par celui qui tient mon âme, et si tu nous ordonnes même de te suivre jusque dans la mer pour aller combattre, on va te suivre. Et si tu nous ordonnes même d'aller jusqu'à un endroit qui s'appelle Bark al-Rimad, eh bien on va le faire, on va venir avec toi. Bark al-Rimad, c'est mentionné, donc c'était un endroit près de la côte qui prenait 5 nuits pour arriver, c'est-à-dire c'est une distance de 5 nuits. Donc en voulant dire qu'on va te suivre partout où tu nous demandes d'aller, même si c'est très loin. Donc ça, c'était pour montrer que les sahaba étaient vraiment déterminés donc à supporter et à défendre l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit: وعن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود يقول شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأكون صاحبه لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى فاذهب أنت وربك فقاتلا ولكننا نقاتل على عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره، يعني قوله. قال النووي رحمه الله: قال العلماء إنما قصد صلى الله عليه وسلم اختبار الأنصار، لأنه لم يكن بايعهم على أن يخرجوا معه للقتال وطلب العدو، وإنما بايعهم على أن يمنعوه ممن يقصده. فلما عرض الخروج لعير أبي سفيان أراد أن يعلم أنهم يوافقون على ذلك، فأجابوه أحسن جواب بالموافقة التامة في هذه المرة وغيرها. وفيه استشارة الأصحاب وأهل الرأي والخبرة. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit que c'est rapporté selon Tariq ibn Shihab qu'il a dit: j'ai entendu Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui disait: j'ai été témoin de la parole de Al-Miqdad ibn al-Aswad et la parole qu'il a dit, yani j'aurais aimé être, il n'y a rien qui aurait été plus aimé de moi que d'être celui qui l'avait dit, cette parole. C'est-à-dire, j'ai été témoin de Al-Miqdad ibn al-Aswad lorsqu'il a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam une parole: il n'y a rien au monde qui aurait été plus aimé pour moi que d'être celui qui l'aurait dit, cette parole, à sa place. Il a dit, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était en train d'invoquer contre les mushrikines. Il invoquait Allah contre les mushrikines. Alors il a dit, Al-Miqdad ibn al-Aswad a dit au messager d'Allah: on ne va pas te dire comme le peuple de Moïse a dit à Moïse. Dans le verset, comme Allah le mentionne dans le verset 24, dans Surat Al-Ma'ida, il mentionne la parole de Bani Israël lorsqu'ils ont dit à Moïse: va toi ainsi que ton Seigneur et allez vous battre, nous on reste ici. Ça c'est le peuple de Bani Israël, Au lieu d'aller avec Moussa puis d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de combattre lorsque Allah leur a ordonné d'entrer sur la terre qu'ils avaient, qui était la terre promise, au lieu d'y aller, ils ont dit, va à toi ainsi que ton Seigneur, allez-vous deux, allez tous les deux vous battre contre eux. Nous, on reste ici, hein, nous, on reste assis ici. Hein, et, ils ont peur, ils ont dit, inna fiha qawman jabbarin, on dit, il y a un peuple, hein, à l'intérieur qui est fort et puissant, et donc on a peur de les affronter. Hein, ils avaient peur de les affronter, ils ont dit, vas-y toi tout seul avec ton Seigneur, nous on reste ici. Donc, Al-Miqdad, il a dit, nous on va pas te dire ça au messager d'Allah, mais on va combattre à ta droite et à ta gauche, et devant toi et derrière toi. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu cette attitude de la part des sahaba, alors son visage s'est illuminé et il a été réjoui, hein, de sa parole. Ça, c'est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Et donc, si vous voulez l'histoire au complet, Cheikh il mentionne dans la note de bas de page qu'elle est mentionnée dans Tarikh al-Tabari et dans Al-Bidaya wa al-Nihaya, le volume 1 à la page 324. Ensuite, il mentionne les paroles de l'imam al-Nawawi dans son Sharh de Sahih Muslim, qui explique donc la parole qui a été mentionnée plus tôt. La parole qui est rapportée selon Anas radiyallahu anhu et qui clarifie donc la situation de qu'est-ce qui est arrivé à cette époque-là et la sagesse derrière cette bataille de Badr, hein, et cette épreuve. Donc il dit, l'imam al-Nawawi rahimahullah, que les ulama ont mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu éprouver et tester les Ansar, parce que les Ansar avait fait l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam de le protéger contre celui qui voulait l'atteindre et qui voulait lui faire du mal, hein, il voulait l'empêcher de transmettre sa da'wah. Donc il n'avait pas fait d'allégeance pour le combat, c'est-à-dire il n'avait pas fait une bay'a au messager d'Allah, parmi les conditions ou les clauses de leur allégeance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de leur bay'a, il n'y avait pas la clause du combat dedans, ou d'aller vers l'ennemi, hein, de combattre l'ennemi. Il y avait seulement dedans le fait qu'ils devaient protéger le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam contre toute personne qui voulait l'atteindre et l'empêcher de propager sa da'wah. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a proposé de sortir pour aller intercepter la caravane de Abu Sufyan, il a voulu savoir donc quelle allait être leur position et est-ce qu'ils allaient être d'accord avec lui à ce sujet. Et ils lui ont répondu de la meilleure des réponses. Et ils ont été totalement en accord avec lui cette fois-là et toutes les autres fois également. Et il y a également aussi dans cette histoire qu'on a mentionnée, il y a également le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prenait l'opinion et consultait ses sahaba, hein, et il retournait en particulier vers ceux d'entre eux qui faisaient partie des gens de Ahlul Ra'i wal Khibra, c'est-à-dire les gens qui avaient une opinion basée sur la compréhension et la connaissance et l'expérience aussi. Hein, puisqu'il s'est retourné vers, dans le hadith ou dans la parole, on voit qu'il a consulté Abu Bakr, qui était un des plus grands parmi, qui était le plus grand d'entre tous les sahaba, le plus savant d'entre eux, et le meilleur d'entre eux, et ensuite Omar radiallahu anhu, qui est le deuxième après Abu Bakr radiallahu anhu. Et ensuite, il a parlé avec, hein, où il a écouté l'opinion de Sa'd ibn Ubadah, qui était également un des chefs parmi son peuple. Donc, c'est pour montrer qu'il ne prend pas l'opinion de n'importe qui, mais il prend l'opinion des gens qui ont la connaissance et la compréhension et l'expérience parmi les gens. Puis, il les consulte pour savoir leur point de vue. Hein. Donc, ça, c'est un des points qui sont mentionnés dans cette histoire. Ensuite, Cheikh il dit, وبسبب هذه الموافقة وبسبب هذه الموافقة التامة واجتماع الكلمة وقت هذه المحنة العظيمة نصر الله رسوله على صناديد مكة ورد كيدهم ونجى الله المؤمنين المؤالفين المجتمعين الطائعين لله ورسوله وهكذا الواجب وقت المحن والفتن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والحرص على جماعة المسلمين ونبذ الفرقة والخلاف حتى وإن كان في ذلك بعض ما نكره فإن فيه العاقبة الحسنة أو فإن فيه من العاقبة الحسنة ما نحب إن شاء الله تعالى. Donc il dit à cause de leur de cette acceptation totale et complète de la part des Sahaba et donc à cause du fait également qu'ils se sont tous réunis sur une seule et unique parole au moment de cette épreuve de cette grande épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la victoire. Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire à son messager sallallahu alayhi wa sallam contre les têtes de Quraysh, les têtes de Mecca. Et il a fait retomber leur ruse contre eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé les mu'minines qui étaient réunis, qui étaient rassemblés et réunis et obéissants à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a fait retomber leur ruse contre eux. Ils avaient planifié donc d'écraser les musulmans et d'exterminer les croyants, de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour en finir avec l'islam et les musulmans, mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu justement que ce jour-là soit un jour qui allait justement être un jour de discernement, et il a fait en sorte que les mushrikoun aient la défaite ce jour-là. Ils s'attendaient à en finir avec les musulmans puis d'avoir une victoire facile parce qu'ils étaient nombreux, et finalement c'est eux qui ont été défaits et qui ont eu la perte ce jour-là. Et ensuite, le cheikh il dit donc que c'est ainsi que les musulmans doivent obligatoirement agir au moment des épreuves et des différentes tribulations et différents problèmes et les différents tests. Les musulmans doivent obligatoirement s'accrocher au livre d'Allah ainsi qu'à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et s'accrocher à ardemment au groupe des musulmans et repousser la division et la divergence, même si il y a dans ça quelque chose qu'on n'aime pas, même s'il y a là-dedans quelque chose qui nous déplaît, il faut savoir que la fin et la conclusion va être quelque chose qu'on aime, inshallah. Donc ça c'est par rapport à la première exemple de la position des Sahaba face aux épreuves. Donc ça c'est le premier exemple. Ensuite le cheikh il mentionne un autre exemple, c'est la deuxième position, les musulmans et leur attitude au jour le jour de la bataille de Uhud. الشيخ الزي الموقف الثاني موقف الصحابة رضي الله عنهم يوم أحد. الشيخ الزي إنما جرى للمسلمين يوم أحد من ابتلاء عظيم حتى كاد المسلمون أن يفجعوا بينهم صلى الله عليه وسلم لولا أن الله سلم وحفظ نبيه حتى يتم رسالة ربه عز وجل أمر فيه عبرة وعظة عظيمة. قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. الآيات الآيات من سورة آل عمران إلى قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Donc le cheikh il mentionne donc il dit que qu'est-ce qui est arrivé aux musulmans le jour de la bataille de Badr, hein, de grandes épreuves, jusqu'à ce que même les croyants craignent même à ce jour-là qu'ils aient perdu leur prophète, hein, mais Allah subhanahu wa ta'ala bien entendu leur, donc, ils ont cru que même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été atteint, mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il puisse compléter le message de son Seigneur, et il y a là-dedans une grande leçon et une exhortation énorme pour les croyants. Et le cheikh il mentionne donc par la suite les versets 152, puis il dit que ça continue jusqu'au verset 179 dans Surat Al-Imran. Et donc dans ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des événements donc, et de la situation de cette bataille, dans la bataille de Uhud. Donc on va lire ensemble les versets qui sont mentionnés par le cheikh, verset 152. Et il dit donc, et certes Allah subhanahu wa ta'ala a tenu sa promesse envers vous, quand par sa permission, vous les tuiez sans relâche, jusqu'au moment où vous avez fléchi, où vous êtes disputé à propos de l'ordre donné, parce que, qu'est-ce qui est arrivé le jour de la bataille de Uhud, c'est que les mouchriquins ont voulu prendre la vengeance de qu'est-ce qui est arrivé à la bataille de Badr, puisqu'ils ont eu une grande défaite, une grande humiliation le jour de la bataille de Badr, et que plusieurs d'entre leurs chefs ont été tués, hein, plusieurs d'entre les chefs de Quraysh ont été tués parmi les mouchriquins, donc ils ont voulu la vengeance pour leur mort ce jour-là. Et donc ils sont revenus à Médine pour combattre les musulmans. Et l'endroit où ils ont rencontré les musulmans, c'était près de la montagne de Uhud. Et c'est pour cette raison-là qu'on a appelé cette bataille la bataille de Uhud, hein, le jour de Uhud. Et donc ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait placé les croyants, il avait formé les rangs de l'armée et il avait placé les soldats de façon stratégique, et il avait mis sur une petite colline, il avait placé des archers à cet endroit-là avec des arcs et des flèches pour justement surveiller la situation. Et pour réagir en cas de nécessité ou lorsque c'était nécessaire pour eux, pour protéger l'arrière des musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, peu importe ce qui adviendra dans cette bataille, vous devez rester à cet endroit-là. C'est-à-dire, il leur a ordonné de rester à cet endroit-là, à l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait placé les archers. Donc qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les croyants donc ont combattu les mouchriquins et ils ont eu le dessus sur les mouchriquins, et les mouchriquins, les kuffars, ont commencé à s'enfuir ce jour-là. Et au moment où les kuffars ont commencé à s'enfuir, les croyants ont cru que la bataille était finie, et les archers ont voulu descendre pour courir aller ramasser les butins de guerre. Hein, qu'est-ce que les ennemis avaient laissé sur le terrain de bataille. Toutefois, un d'entre eux qui était avec eux a dit, n'est-ce pas que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vous avait dit de ne pas bouger, il vous a dit de ne pas bouger, peu importe qu'est-ce qui arrive, et ils ont désobéi à ce moment-là, et ils ont couru derrière le butin. Et donc, à partir de ce moment-là, ils ont commis donc cette erreur ils ont désobéi au messager, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que certains d'entre les mushrikoun ont profité justement de cette ouverture pour attaquer les musulmans par derrière. Et donc, la bataille a repris de nouveau. Et c'est à ce moment-là que plusieurs d'entre les musulmans ont été atteints. Et que même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été blessé à ce moment-là. Et deux de ses dents ont été cassées par les mushrikines. Et son casque était même entré dans ses joues. Donc il a été blessé ce jour-là. Et les croyants ont même eu peur qu'il se soit fait tuer même à ce moment-là. D'accord? Donc ça c'est juste pour vous mettre dans le contexte de qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là. Donc le cheikh il cite donc les versets qui ont été révélés à ce sujet-là, comme j'avais commencé de lire. Il dit: et certes Allah subhanahu wa ta'ala a tenu sa promesse envers vous, quand par sa permission vous les tuiez sans relâche jusqu'au moment où vous avez fléchi et vous vous êtes disputé à propos de l'ordre donné, lorsqu'il avait ordonné de ne pas bouger, et vous avez désobéi après qu'ils vous eurent montré la victoire que vous aimez. Il y en était parmi vous qui désiraient la vie d'ici-bas, et il y en était parmi vous qui désiraient l'au-delà. Puis il vous a fait reculer devant eux, afin de vous éprouver, et certes il vous a pardonné, et Allah est détenteur de la grâce envers les croyants. Ensuite, donc le cheikh il mentionne ce verset là jusqu'au verset 179. Donc si vous voulez on peut continuer donc à lire les autres versets jusqu'à 79, mais ce serait long. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez juste prendre les versets du verset 152 au verset 179 pour lire en fait qu'est-ce qui s'est passé, et si vous voulez les lire quand vous aurez le temps donc de les lire, pour comprendre un peu plus qu'est-ce qui s'est passé dans cette bataille et voir qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à ce sujet-là. Et vous allez voir que il y a beaucoup de leçons justement pour le croyant dans cette défaite, hein, et c'est pour montrer ça, la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on va le lire dans la suite. Ensuite, par rapport au verset 179, qui est mentionné par le cheikh, il dit Allah n'est point tel qu'il laisse les croyants dans l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'il distingue le mauvais du bon. Donc ça c'est un verset qui est très important, qui nous mentionne la sagesse derrière la situation dans laquelle les croyants sont lorsqu'ils sont dans des situations de faiblesse et de d'épreuves, hein, et qu'il ne laisse pas les croyants dans cet état-là de façon définitive. C'est uniquement pour les tester, pour les mettre à l'épreuve et pour distinguer le mauvais du bon. Et il dit ensuite: et Allah n'est point tel qu'il vous dévoile l'inconnaissable, mais Allah choisit parmi ses messagers qui il veut. Croyez donc en Allah et en ses messagers, et si vous avez la foi et la piété, vous aurez alors une récompense énorme. Donc ça c'est la fin du verset 179 dans la traduction. Si vous voulez donc, comme je vous dis, lire les versets 152 à 179. Ensuite, le cheikh il explique, il lit d'autres exemples à propos de cette bataille. Il dit: wa anil bara radiyallahu anhu qala لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرباة وأمر عليهم عبد الله وقال: لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وإن رأيتموه ظهروا علينا فلا تعينونا. سبحان الله. فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشد يشتددنا في الجبل. يشتددنا في الجبل ورفعنا عن سوقهن قد بدت خلخالهن فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله عهد إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تبرحوا فأبوا فلما أبوا صرفت وجوههم فأصيب سبعون قتيلا فأصيب سبعون قتيلا. Donc ça c'est une histoire qui est mentionnée donc de cette bataille de Uhud dans Sahih al-Bukhari et c'est rapporté par Al-Bara radiyallahu anhu. Al-Bara ibn Azib, un des Sahaba, il mentionne donc qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Il dit que on a rencontré donc ce jour-là, le jour de Uhud, les mushrikins. On a rencontré les mushrikins et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait placé un groupe des archers sur un endroit spécifique et il a mis parmi eux un d'entre eux qui était Abdullah pour être le chef. C'est lui qui était responsable des autres et il leur a ordonné de ne pas bouger. Même et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été très précis. Il leur a dit si vous voyez qu'on a le dessus sur eux, ne bougez pas. Et si vous voyez que les koufars ont le dessus sur nous, ne venez pas nous aider. Donc, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait été très très clair à ce moment-là. Alors, si vous voyez que c'est nous qu'on gagne la bataille, qu'on a le dessus, eh bien, ne bougez pas. Et si vous voyez que c'est eux qui ont le dessus sur nous, ne venez pas nous aider. Restez là où vous êtes. Et lorsque les musulmans ont affronté donc les mouchriquins, ils ont commencé à s'enfuir. Jusqu'à ce que même il mentionne ici que même les femmes qui étaient sur la montagne, elles ont commencé à montrer leur cheville. Elles ont commencé à montrer leurs jambes avec leurs bracelets dans leurs pieds. C'est probablement les femmes des mouchriquines. Et donc, lorsque les gens ont vu ça, certains d'entre eux ont vu ça, ils ont commencé à crier le butin, le butin. Parce que, si je ne me trompe pas, Allahu A'lam, je me souviens d'avoir entendu cette histoire d'un de mes professeurs quand j'étais à Médine qui nous expliquait justement quand il nous parlait de Sira et il nous mentionnait que les mouchrikoun lorsqu'ils partaient à la bataille ils amenaient leurs femmes avec eux, des fois ils amenaient des femmes avec eux et c'était une façon pour eux de montrer leur force, montrer leur courage et pour que les femmes encouragent les combattants puis en même temps pour montrer leur force devant les femmes et puis donc ils les amenaient avec eux et en même temps pour humilier les ennemis et puis c'est pour ça que lorsqu'ils perdaient la bataille donc ceux qui remportaient eh bien ils ramenaient le butin et parmi le butin il y avait ces femmes donc c'est probablement ça ici. Allahu a'lam. Donc il dit, il y en a qui ont commencé à crier le butin, le butin. Alors Abdullah, qui était le chef d'entre les archers, a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a pris notre parole, notre engagement, qu'on ne devait pas bouger. Mais ils ont refusé d'obéir et ils sont partis, donc ils ont désobéi à l'ordre et ils sont descendus pour aller prendre le butin. Et ce jour-là, il y a eu plus que 70 personnes qui ont été atteintes, qui ont été tuées durant cette bataille parmi les Sahaba. Donc ça, c'est rapporté par Al-Bukhari. Ensuite, il dit « Fanzur hamakallahu min al-fitan » إلى هذا الموقف وقارن مع الموقف السابق كيف نصرهم الله في بدر وهم قلة وحصل ما حصل لهم يوم أحد وهم كثرة في بلدهم وما ذاك إلا بسبب ترك الطاعة في هذا الوقت العصيب ظنا منهم رضي الله عنهم أن المعركة قد انتهت وأن الأمر متعلق بوقت المعركة فابتلوا بأعظم ابتلاء وقتل منهم من قتل وجرح منهم من وجرح من جرح وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك جراحات في وجهه ورأسه صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit regardez que Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve de la fitna ou des épreuves des fitan. Regardez cette situation et cette position maintenant et comparez celle-là avec celle qu'on a mentionnée précédemment et comment Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire aux croyants le jour de Badr alors que les croyants étaient peu nombreux et regardez maintenant dans la bataille de Uhud qu'est-ce qui est arrivé ce jour-là alors qu'ils étaient très nombreux c'est-à-dire les croyants ce jour-là étaient très nombreux et en plus ils étaient dans leur pays c'est-à-dire dans leur propre ville et la raison de ça la raison de cette défaite c'est uniquement parce qu'ils ont abandonné l'ordre dans ce moment difficile en croyant que radiyallahu anhum qu'Allah soit satisfait d'eux en croyant que la bataille était terminée et que l'ordre était uniquement relié au moment de la bataille donc ils ont cru que c'était correct par la suite qu'ils pouvaient bouger de leur place et donc ils ont été éprouvés de cette grande épreuve et beaucoup d'entre eux donc ont été tués ce jour-là et d'autres ont été blessés et même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été atteint de plusieurs blessures sur sa tête et au visage sallallahu alayhi wa sallam wa qala Anas radiyallahu anhu inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kusirat ruba'iyatuhu yawma uhud wa shujja fi ra'sihi فجعل فجعل يسيل الدم يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح أو كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعو إلى الله فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. Donc ensuite il dit que Anas radiyallahu anhu il a mentionné que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là yani ses dents ses canines ont été cassées ce jour-là. Si c'est pas ses canines c'est arroba'iyah c'est yani ses dents qui sont yani en avant des dents qui sont en avant en tout cas. Je sais pas comment expliquer en français, mais c'est comme les deux dents qui suivent les deux dents qui sont à côté des deux palettes en avant. Donc ces dents-là ont été cassées, puis il a été blessé sur la tête aussi. Il a été blessé sur la tête et les anneaux de son casque sont rentrés aussi dans ses joues. Bon, ça c'est pas mentionné ici, mais ça a été mentionné dans d'autres narrations. Donc, il a été blessé sur la tête et il a eu des dents cassées ce jour-là. Et donc, alors qu'il était en train d'essuyer le sang qui coulait sur son visage et tout, il disait, en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, comment un peuple pourrait-il avoir le succès alors qu'ils blessent leur prophète sur la tête, ils le blessent à la tête. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset 128 dans Surat Al-Imran, dans lequel il dit « Laysa laka min al-amri shay » c'est-à-dire la décision, aucune décision ne te revient dans ces choses-là. C'est-à-dire la décision ne te revient pas dans ces choses-là. C'est-à-dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. C'est Allah seul qui décide dans ces questions-là, et c'est lui qui décide qui est-ce qui est guidé, qui est-ce qui est égaré. Donc, ça c'est le verset qui a été révélé à ce moment-là. Ensuite, le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn Hajar, rahimahullah, qui explique un peu des différents points par rapport à cette situation et à cette épreuve. Il dit, قال ابن حجر رحمه الله قال العلماء وكان في قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة منها تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية وشؤم ارتكاب النهي لما وقع أو لما وقع من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يبرحوا منه ومنها donc Cheikh il mentionne plusieurs points parmi les sagesses de cette épreuve et les leçons à tirer de cette épreuve. Donc il mentionne les paroles de Ibn Hajar qui dit que les ulama ont mentionné à propos de l'histoire de Uhud que ce qui est arrivé, dans ce qui est arrivé aux croyants, comme malheur et comme épreuve ce jour-là, il y a beaucoup de choses bénéfiques et beaucoup de sagesse divine et des choses très importantes. Parmi ces points-là, premièrement, le fait de faire connaître aux musulmans les conséquences mauvaises de la désobéissance d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et le mal qui découle du fait de faire qu'est-ce qui est interdit. Lorsque, par exemple, on voit dans cette histoire que les archers, ceux qui étaient placés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cet endroit stratégique, ont désobéi à l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de ne pas bouger de cet endroit-là. Donc ça, c'est du fait qu'ils ont désobéi à cet ordre, bien, ils ont vu là les conséquences de ça. Deuxièmement, donc ومنها أن عادة الرسول أن تبتلى وتكون لها العاقبة كما في قصة هرقل مع أبي سفيان والحكمة في ذلك أنهم لو انتصروا دائما دخل في المؤمنين من ليس منهم ولم يتميز الصادق من الكاذب ولو انكسروا دائما لم يحصل المقصود من البعثة فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين لتمييز الصادق من الكاذب وذلك أن نفاق المنافقين كان مخفيا عن المسلمين فلما جرت هذه القصة أظهر أهل النفاق أو أظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول عاد التلويح تصريحا وعرف المسلمون أن لهم عدوا في دورهم فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. Donc un autre des points bénéfiques dans cette histoire, c'est que déjà à la base on sait que l'habitude ou la règle par rapport aux messagers, c'est qu'ils sont éprouvés par Allah subhanahu wa ta'ala, puis qu'ils ont toujours la conclusion en leur faveur. Et à la fin, c'est eux qui gagnent contre leurs ennemis. Comme dans l'histoire de Hiraql, lorsqu'il a parlé avec Abu Sufyan, il a mentionné ça, qu'au début, les prophètes, ils sont éprouvés, puis que c'est eux qui ont le dessus par la suite. Ensuite, il dit qu'il y a dans ça également une sagesse, du fait que pourquoi les croyants ont eu une défaite. Il y a une sagesse là-dedans. Et la sagesse, c'est quoi? C'est que si les croyants étaient tout le temps victorieux, et que Allah subhanahu wa ta'ala leur donnait toujours la victoire, eh bien, il y aurait des gens qui rentreraient parmi les croyants, qui ne font pas partie des croyants. Il y aurait beaucoup de gens qui s'introduiraient parmi les croyants, alors qu'ils ne font pas partie des croyants. Comme Cheikh Al-Fawzan, il expliquait justement à ce sujet-là dans son charh de Kitab al-Tawhid, au chapitre dans lequel il parle de ceux qui ont une mauvaise pensée à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il mentionnait justement parmi les sagesses ou les points de cette défaite le jour de Uhud, que si les croyants ou si les musulmans avaient toujours la victoire à chaque fois qu'ils combattaient un ennemi, et qu'il n'avait jamais de défaite, eh bien, tout le monde voudrait être musulman. Hein? Tout le monde voudrait être parmi les croyants. Parce que tout le monde veut être avec les gagnants, tout le monde veut être avec ceux qui sont forts. Personne ne veut être parmi les perdants. Donc, comme le Cheikh le mentionne ici dans les paroles de l'imam Ibn Hajar, il dit qu'il y aurait parmi les croyants des gens qui entreraient parmi leurs rangs qui ne font pas partie d'eux. Et on n'aurait pas pu distinguer celui qui est véridique de celui qui est menteur. Hein? Et si les croyants étaient toujours perdants et qu'ils avaient toujours des défaites à chaque fois, eh bien, l'objectif d'avoir envoyé les messagers ne serait pas respecté. C'est-à-dire que l'objectif de voir que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est victorieuse et que les gens puissent connaître la vérité, ça ne serait pas établi donc. Hein, là, cette sagesse-là serait perdue. Et donc, c'est pour cette raison-là que parfois Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il va donner la victoire aux mu'minines et parfois il les éprouve, il les met à l'épreuve par des défaites. Par des défaites. Et ça, c'est pour les tester. Hein. C'est pour les tester et pour distinguer entre les croyants qui sont véridiques et ceux qui sont des menteurs, comme le cheikh il le mentionne. Et ça, ça fait partie donc de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à ce moment-là donc que on a découvert la présence des munafiqines parmi les croyants. C'est-à-dire des gens qui se faisaient passer pour des musulmans, mais qui, en réalité, sont des mécréants. Mais avant, au tout début, on les voyait pas ou on les sentait pas, hein, puisqu'ils ne se montraient pas, ils ne se laissaient pas paraître. Parce que lorsque tout va bien, hein, tout le monde est content, tout le monde veut être parmi les croyants, parmi les musulmans. Mais lorsqu'ils commencent à avoir des épreuves et des difficultés, c'est là que le vrai visage des gens apparaît. Et c'est là qu'on est capable de savoir qui est sincère et qui est menteur. Et donc, étant donné qu'il y a eu cette première défaite, hein, à cause de qu'est-ce qui est arrivé, les gens de l'hypocrisie ont commencé à se faire voir. Les gens de l'hypocrisie ont commencé à se faire voir parce que, hein, il y a eu des difficultés, il y a eu une défaite. Donc, ils ont commencé à dire des paroles et à faire des actes qui montrent qu'ils ne sont pas sincères, qu'ils ne sont pas réellement croyants. Qu'est-ce qui était seulement des choses des choses qui étaient impliquées ou des paroles qui étaient dites mais qui n'étaient pas directes, ils parlaient uniquement indirectement auparavant, là maintenant, après cette épreuve, ils commençaient à dire et à faire des choses de façon apparente et claire, qui démontrait réellement qu'est-ce qu'ils cachaient dans leur cœur. Et ça, c'est quelque chose qui s'était produit à cette époque-là, de la part des munafiqines, des hypocrites, et c'est quelque chose qui se produit même encore aujourd'hui de la part des munafiqines aussi, la même chose. Puisque, lorsqu'il y a des difficultés ou des épreuves maintenant parmi les musulmans, eh bien, vous voyez qu'il y a une catégorie ou une portion des gens qui se disent musulmans qui virent de bord, hein, qui, comme on dit des fois ici, en français, ils tournent leur veste, hein, et ils prennent une autre position, une autre attitude, et ils se mettent du côté des koufars et des mushrikins contre les mu'minines parfois. Donc, ça c'est des choses qui nous indiquent la réalité de qu'est-ce qu'ils cachent dans leur cœur comme hypocrisie. C'est ça qui se passe maintenant dans les pays musulmans, hein, lorsque certains d'entre eux ils commencent à appeler à tout ce qui est contraire à l'islam, au nom de l'islam. Et même dans les pays des koufars aussi, on voit que certains individus qui se disent musulmans, qui commencent justement à s'opposer à l'islam et à la sharia et à contredire ce que Allah et son messager ont ordonné pour faire plaisir aux koufars et aux mushrikines. Et ils pensent qu'en faisant ça, ils ont une position de force et qu'ils sont élevés par les koufars et les mushrikines. Mais ça, c'est uniquement, justement, une épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tester qui est sincère de qui est hypocrite. Donc, lorsque les musulmans ont vu la réalité de ces gens-là, ils ont su qu'ils avaient parmi eux des ennemis qui étaient cachés à l'intérieur d'eux-mêmes, qui étaient à l'intérieur de leur maison, et à partir de ce moment-là, ils se sont préparés contre eux et ils se sont préservés d'eux. Hein? Donc ça fait partie des sagesses de la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il y a des défaites, hein, qu'il y a des épreuves de ce genre et des défaites chez les mu'minines. Donc ça c'est une leçon pour nous encore aujourd'hui, hein, puisqu'on est dans une situation de faiblesse actuellement, et à notre époque, on voit la réalité des munafiqines qui apparaît encore une fois, puisqu'ils voient que les kuffars sont ceux qui ont le dessus pour l'instant contre les croyants. Alors, ils laissent paraître leur hypocrisie et leur mécréance. Mais bien entendu, si les croyants deviennent forts demain, hein, et que Allah leur donne la victoire contre les mouchriquins et les kuffars, eh bien, ils vont dire, mais non, on était avec vous. Hein? Ils vont dire, mais non, on était avec vous. Donc, on faisait juste semblant comme ça, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la réalité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit des munafiqines, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermé dans la foi et nous préserve donc du nifaq. Hein? نصر الله العافية. أبخي الشيخ الزي وقد ذكر ابن حجر رحمه الله بعض الحكم الأخرى المستفادة من هذه المحنة، والذي يهمنا هنا الفائدة الأولى التي ذكرها والتي تبين وجوب السمع والطاعة ولله ولرسوله، ولا سيما وقت الفتن والنوازل، وأن في مخالفة ذلك حلول الفتن والمصائب في النفس والمال، وأنه لا يجوز الاجتهاد في مقابل النص أبدا كائنا المجتهد من كان، فالسلامة في الطاعة والاتباع. Donc le cheikh il dit que l'imam Ibn Hajar رحمه الله après avoir mentionné certaines de ses sagesses et d'autres sagesses également qui sont tirées de cette épreuve, il a mentionné donc d'autres hikam que le cheikh n'a pas cité, et également lorsque j'écoutais le charh de Kitab al-Tawhid du cheikh Al-Fawzan dernièrement encore, et il mentionnait que un autre exemple d'explication de la bataille de Uhud avec plein de choses qui sont très très bénéfiques à ce sujet-là, c'est le livre qu'on appelle Zadul Ma'ad de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Le cheikh Al-Fawzan, il disait que dans ce livre de Zadul Ma'ad, il y a des explications et des clarifications étonnantes sur justement les sagesses qui sont présentes dans Sourate Al-Imran au sujet de la bataille de Uhud, dans ce livre, dans le livre de l'imam Ibn al-Qayyim, et donc il encourageait donc les élèves à retourner à Zadul Ma'ad et à lire les exemples qui sont mentionnés dans les sagesses et les explications au sujet de la bataille de Uhud, et il paraît donc que c'est quelque chose vraiment de bénéfique et de très très enrichissant de retourner donc aux explications mentionnées à ce sujet-là. Donc si quelqu'un veut justement avoir une meilleure compréhension et plus de compréhension donc à ce sujet-là, il peut retourner à ce livre de l'imam Ibn al-Qayyim pour justement tirer des points bénéfiques sur ça. Et le cheikh dit que qu'est-ce qui est important pour nous ici, c'est de mentionner donc le bienfait ou le point bénéfique. Le premier point bénéfique qui est mentionné par l'imam Ibn Hajar ici, c'est justement la mauvaise conséquence du péché. Et le fait que de désobéir à l'ordre du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qui amène toujours des conséquences mauvaises. Et donc il dit ici que ça clarifie l'obligation d'écouter et d'obéir à Allah et à son messager, et en particulier au moment des épreuves et des fitnes. Parce que dans le fait de désobéir il y a justement le fait que ça ouvre la porte à toutes sortes de tribulations et d'épreuves et de malheurs dans nos biens, dans notre personne et dans nos biens. Et donc le cheikh il dit, il n'est pas permis de faire des ijtihad, hein, c'est-à-dire d'utiliser nos analogies et notre raison et nos propres jugements lorsqu'il y a un texte explicite dans la charia, dans le Coran et dans la sunna qui nous ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose. Alors peu importe qui a fait l'ijtihad à ce moment-là, eh bien on n'a pas le droit de le prendre ou de l'écouter, puisque le salut et la paix et le fait d'être sauvé de la fitna réside uniquement dans le fait d'écouter et de suivre et d'obéir à l'ordre qui est dans les textes. Et donc ça vient clarifier justement, comme à notre époque, étant donné qu'il y a beaucoup de fitanes, on voit que les versets et les hadiths au sujet de l'écoute et de l'obéissance, ils sont très clairs et qu'ils sont explicites. Et donc dans des situations pareilles, il n'est pas permis à quelqu'un de venir faire des ijtihad, puis d'essayer de dire aux musulmans qu'ils peuvent désobéir à l'ordre d'Allah et à l'ordre du messager des choses qui sont claires dans le Coran et dans la Sunna, et de venir en opposition avec les principes établis par Allah et par son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est des exemples. Et on a l'exemple dans cette histoire, dans la bataille de Uhud, lorsque des sahaba ont suivi leur propre opinion au lieu de suivre l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui était clair et qui était explicite sur le fait qu'ils ne devaient pas bouger. Donc il y a des gens à notre époque qui agissent de la même manière que ceux qui ont désobéi à cet ordre à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se disent que c'est correct, c'est pas grave, ça voulait pas dire ça, ou ils essaient d'interpréter la parole ou de changer la signification. Donc ça c'est un exemple. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a prédestiné donc cet événement là et cette situation là pour nous donner des exemples et des leçons pour qu'on puisse donc apprendre de ça et savoir justement si on veut vraiment être épargné du mal et qu'on veut vraiment que Allah nous donne la victoire, il faut se limiter à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Donc on va s'arrêter ici inshallah pour aujourd'hui, et on continuera l'explication des autres exemples qui sont mentionnés par le cheikh ici dans les autres exemples à la suite de ce livre, à partir du point numéro 3 au prochain cours inshallah mercredi prochain. Donc le point qu'on va expliquer au prochain cours inshallah, ce sera la position de Abu Bakr radiallahu anhu et de Omar radiallahu anhu le jour de Al-Hudaybiyah, le pacte qu'il y a eu entre les croyants et les mouchriquins ce jour-là, pour comparer donc justement la réaction de Abu Bakr par rapport à la réaction de Omar ibn Khattab radiallahu anhuma. Et aussi peut-être qu'on fera aussi le quatrième exemple, qui est la bay'a de Abu Bakr lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, et que les musulmans ont donné la bay'a à Abu Bakr Siddiq, et l'explication de la réaction des croyants face à cette épreuve. Donc ça c'est inshallah au prochain cours bi'iznillah. Donc on va s'arrêter ici inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et je m'excuse pour le retard aujourd'hui parce que j'ai dû sortir plutôt pour faire des choses à régler. Et je voulais juste aussi mentionner aux frères et aux sœurs que lundi on n'a pas fait le cours sur Kitab al-Tawhid, on devait le faire mais on ne l'a pas fait, mais c'est pour mentionner qu'on va le faire pour remplacer le cours qu'on a manqué lundi. On va le faire demain, Inch'Allah, à la même heure, c'est-à-dire vers 18h30, Inch'Allah, pour les frères de la France et les sœurs de la France, et midi 30, Inch'Allah, pour ceux qui sont ici à Montréal. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour maintenant, puis on continuera demain. On remercie les frères du centre Al-Furqan de Bruxelles. وفيكم بركة وجزاكم الله خيرا وفي على السمين بخشان إن شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.